Roger Régent et Jacqueline Adler vous prient d'écouter Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, La guerre des boutons, film d'Yves Robert d'après le roman de Louis Pergaud, avec 100 enfants d'Île-de-France et la participation de Jean Richard, Jacques Dufilho, Michel Galabru, Yvette Etiévant, Michel Méritz et Pierre Trabeau dans le rôle de l'instituteur. Dialogue de François Boyer, musique de José Bergmans. Commentaire radiophonique dit par Robert Martin, collaboration technique de Jean Deloron. Deux villages voisins quelque part en France. L'un Velleran, l'autre Longeverne. La rivalité de leurs habitants se perd dans la nuit des temps. Pourquoi? On ne le saura jamais. Quelques vieilles histoires de champs mitoyens sans doute, de bornes déplacées ou de sources indivises. Quoi qu'il en soit, ceux de Velleran et ceux de Longeverne se détestent cordialement. Naturellement, cette haine ancestrale va se loger aussi dans les écoles de chacune des deux communes et jusque sur les bancs des classes maternelles. C'est au biberon même que l'on suce le lait de la haine. Aujourd'hui, par exemple, les gosses de Longeverne essaient de vendre des carnets de timbres antituberculeux. Eh bien, même dans l'exercice de cette œuvre pie, ils trouvent sur leur chemin ceux de Velleran. Il y a au moins une heure de ça, hein. De carnet? Oui. Pourquoi que vous achetez au Velleran puisque vous êtes de Longeverne? Eh ben parce que les malades, ça attend pas. C'est des choses, la maladie, tu sais. C'est des choses. Et voilà, pour une histoire de timbre antituberculeux et d'espace vital, la guerre rallumée. Mettant encore de l'huile sur le feu, ceux de Velleran profèrent à l'égard de leurs jeunes voisins quelques injures bien senties que les petits de Longeverne, d'ailleurs, ne comprennent pas très bien. C'est le Braque, un grand, il doit bien avoir une douzaine d'années, qui prend le commandement des troupes de choc longeverniennes. Allez-y les gars, dis-donc, on a foncé, on y va la manœuvre. T'as pensé au craie comme je t'ai dit? Plein les poches. Quoi, il a bien fallu que j'emmène pour qu'on m'ait sortir. Bon, t'as l'air fin avec ça, toi. En route. Allez. Pourquoi qu'on prend pas le chemin? On suit les traces de lapin, c'est plus court. On va se déchirer le froc, moi je marche pas. Puisque t'es là, tu marcheras comme tout le monde. Tu sais qui commande ici, non? J'ai pas dit que je menais pas le braque. Mais c'est vrai? Pour avoir des chefs, on devrait voter. Non, mais tu rigoles, lui. Qui c'est qui connaît les grades ici? Moi, il y a capitaine, ce fort capitaine. Moi, je connais un gars qui est adjudant. Il est vachement intelligent, mon vieux. Il a son certif. Ben, en tout cas, le plus fort, c'est première classe. Soldat de première classe. Alors, il y a des soldats de deuxième classe? Et des soldats de marchandise? Alors quoi? On vote ou on choisit chacun son grade? On choisit. Moi, je choisis le colonel de deuxième classe. Non, le colonel grimpeur. Non, le colonel fourgon à bagages. Oh, comment ça nous enquiquiner avec vos histoires à la noix, là, quoi. Faut bien qu'on a des chefs. Oh, tu veux que je te dise, moi, dans la ville, chef, c'est celui qui a le plus grand zizi, puis c'est tout. Après tout, t'as qu'à regarder les chiens, puis les boucs, puis les béliers, puis les renards. Tout le monde, quoi. Sous la direction de Lebrac, les conseils de guerre succèdent aux conseils de guerre dans les chaumières de Longeverne. À tel point que les parents excédés par le tapage et la turbulence de leurs enfants distribuent généreusement les paires de gifles. Il arrive pourtant une autre sorte d'aventure au petit Gibus, le Benjamin et le plus adorable des gosses de Longeverne. Un papa furieux et fort mauvais plaisant lui fait boire un grand verre de vin. Et voilà notre Gibus parcourant les rues de Longeverne en chantant à tue-tête. Comme un boudin. Et voilà comment mon pantalon est décousu devient le champ de guerre des combattants de Longeverne. Mais les champs martiaux ne suffisent pas à faire gagner les guerres. Il faut une solide préparation, un entraînement méthodique. C'est généralement dans la cour de l'école, pendant la récréation, que cela se passe. Et ton problème? Alors, t'as trouvé le prix du kilo de pommes? Oui, je vous aime, c'est 150 000 francs, 33, puis des virgules. Alors, c'est la guerre. Ce soir, la sablière. C'est la guerre, ça y est. C'est la guerre. Où qui va? Pourquoi qu'il va prendre ses WC à lui? C'est pas la peine d'en avoir des exprès. L'instruction militaire étant solidement poussée, on passe à l'action. Le premier engagement a lieu du côté d'une sablière, excellent terrain de bataille. Le premier jour, Longeverne fait un prisonnier. Le petit Vellerand, attaché à un arbre, n'emmène pas large. Chambre à gaz. Et maintenant, on passe aux choses. Non, aux choses sérieuses. Tes oreilles, ton tarin, ton zizi, j'en ai rien à faire. Il n'y a qu'une chose qui compte chez l'homme. C'est l'honneur. Et je t'ai appris de croire que dans 5 minutes, tu seras pas fier. La campagne commence bien, et le chant du départ, adopté comme chant de guerre, fait tout de même plus sérieux que mon pantalon est décousu. En outre, le braque a une idée géniale, faire rosser le prisonnier par les propres parents de celui-ci. Pour cela, on lui arrache tous ses boutons, on déchire ses boutonnières, on confisque ses bretelles, ceintures et bouts de ficelle. Le lendemain en classe, pendant la leçon de l'instituteur, on ne parle que des événements de la veille et de ceux qui se préparent. Alors, ça vient ? Que faut-il pour être électeur ? Ah, faut savoir sa géographie. Qu'est-ce qu'il y a, Bataillé ? Ça ne fait pas de mal de connaître sa géographie. Mais ça ne suffit pas pour être électeur. Ah, faut être du pays. Quel pays ? La France. Faut être de la France, la banque. Ouais, bon, si tu veux. Ensuite ? Enfin quoi, Lebrac, est-ce que toi tu peux être électeur ? Oh non, monsieur. Pourquoi ? Hein ? Parce que t'as pas encore de poils au cul. J'ai dit la tête ? Je dis que... Pourquoi ? Monsieur, c'est parce qu'il est trop jeune. Très bonne réponse. Grand Gibus, retenu après 4 heures. Oh non, monsieur. Et Lebrac également, de quoi te mêles-tu ? C'est pas de la faute à Lebrac, monsieur, c'est moi qui souffle les chiffons, monsieur. Eh ben tu resteras avec eux. Malheureusement, les Russes de guerre se retournent souvent contre ceux qui les ont inventés. Le braque tombe à son tour entre les mains des ennemis. Le chef de ces derniers, l'Aztèque, applique la loi du talion. Le braque rentre chez lui penaud et déchiré. Ses parents, qui déjà ne s'entendent guère entre eux, l'accueillent fort mal. T'appelles ça boutonner, toi ? Il touche pas, t'abîmes toujours tout avec tes grosses pattes. Pourquoi ça m'a resté dans la malle, pour vrai ? Oh, comme l'assiette de ce matin, puis la chaise d'hier. Mais que je te dis que je fais pas exprès ! C'est trop fort, c'est plus de la touche. Mettez-moi toujours un raccommodeur à pistolet, c'est pas une vie, quand même ! Oh, puis vous en gueulez pas, quoi. Il était déchiré avant. Puis je vous préviens, hein, j'ai aussi bougie mes boutonnières. Ces boutonnières ? D'ailleurs, ça ne servait plus à rien, j'ai plus de boutons non plus. Très bon Dieu de vin, Dieu de bon Dieu de cochon. Comment tu t'es foutu dans un état pareil, dis ? Je dirais rien. Espèce de tête de mouche ! Dis-moi, tu parlais, dis ! On ne fait pas tant d'histoire, quoi. Je sais bien que je mérite une trompe, alors vas-y, puis ce sera mort. Et il le demande ! Il le demande ! Ça, là ! Oh, tabouret ! Tabouret, à présent ! Alors la chemise, les boutons, les boutonnières, et maintenant le tabouret ! Tu nous prends pour qui, hé ? Pour le Rothschild ? Ou les Crésus ? Le petit salope de brisage de faire passer le bout du sel, La bonne trempe que lui administre son père, et qu'il reconnaissait d'ailleurs avoir largement méritée, donne à Lebrac une nouvelle idée géniale. Le lendemain à l'école, il en rit encore. Alors tu ne peux pas me dire ce que c'est que le maître ? Oh si, monsieur le maître, c'est grand comme ça à peu près, quoi. Tu sais, Lebrac, ça s'améliore pas tes affaires. Un jour, je vais me fâcher pour de bon. Oh, c'est pas ma faute, monsieur. Je pense à un truc marrant. C'est bon, on verra ça plus tard. Sortez tous. Récréation. Je suis pas fini de récré? Non. Oh. Toi, t'as encore reçu une raclée hier soir, c'est ça? Oh, la raclée, c'est rien, il se retient. Et le pire, c'est la pension. Il veut te mettre en pension? Oui, monsieur, puis il le fera, hein, vous voyez bien. Ah, ben, ce que je vois, c'est que tu fais l'idiot, que tu ne fiches rien. Bah, vous avez déjà pu m'interroger, monsieur. Je vous jure que je me tiendrai tranquille dans mon coin. Dis donc, le braque, on n'est pas à la sablière. Le général ici, c'est moi. Vous êtes allé, vous, monsieur, en pension? Oui. Et j'en suis pas mort. Ouais, mais vous, c'est pas pareil. Moi, je sais pas apprendre, mais je connais quand même des tas de trucs utiles. Ça te paraît suffisant? Oh, bah, pour bouffer dans la vie, c'est quelque chose, la pêche puis la chasse. Bon, ben, commence par apprendre tes leçons. Pour la pension, je verrai ça avec ton oh, père. Oui, allez, file. Ah, dis-moi! Qu'est-ce qui te faisait rire tout à l'heure? Oh, rien, monsieur. C'est ma mère, elle voulait m'envoyer à l'école tout nu pour pas que j'abîme les affaires. Hein? C'est drôle, ça. Oh non, monsieur, mais plus marrant, c'est l'idée que ça m'a donnée. L'idée de Lebrac, c'est, afin d'éviter que ceux d'en face arrachent leurs boutons et déchirent leurs habits, d'aller au combat tout nu. Dès le lendemain, on expérimente cette nouvelle tactique. Bilan, des cuisses griffées par les ronces, enflammées par les orties et même ici et là quelques menaces de bronchite. Tant et si bien que ceux de Longeverne refusent bientôt de se battre tout nu. La guerre se poursuivra donc dans sa forme traditionnelle. Le lendemain à l'école, on ne peut pas dire que l'instituteur soit passionnément écouté. J'ai traversé et à Saint-Aigu participe passé. Le village pour continuer ER infinitif, mon chemin. Gambette, donne-moi ce papier. Quel papier, monsieur? Comment tu n'es pas au courant? Tu ne sais pas que tu as un papier dans la main gauche? Tu vois comme tu étais mal renseigné? Importe. Le braque, c'est toi qui écris ça? Je l'ai pas fait exprès, monsieur. Eh bien, passe au tableau. Tu vas faire exprès de corriger tes fautes. Écris. Ça, monsieur, le tableau? Oui. Mais avant d'écrire un texte, on le lit à haute voix. Lire ça, monsieur? Mais t'es sourd ou quoi? J'ai trouvé... Participe passé. Pour accommoder nos habits, il faut trouver... Infinitif. Trouver des sous pour acheter... Infinitif. Des boutons, des lacets, des bretelles, des ceintures, du fil, des aiguilles, tout le fourbi, quoi. Tout le monde est obligé... Participe passé. ...de payer l'impôt 20 balles par semaine. Oh, mais non, alors! Qu'est-ce que t'as, toi? Il est alcoolique. À la récréation, nouvelle conférence militaire autour de Lebrac pour discuter l'opération Trésor de guerre. C'est pas une bonne idée, ça, les gars. Tu parles? Comme ça, on pourrait se monter un trésor de boutons, de lacets. Peut-être même de fric qu'on aurait toujours sous la main. Où que le mettrait? On planquerait dans la forêt, dans une boîte. Une cage, quoi. Ça dépend comme ils sont, un gros trésor. Puis un gars pour le garder, les faire bagarre, hein. Alors, c'est pas une cage, c'est une niche qu'il faut. Ou une cabane, on dit. Une cabane avec des branches! Et puis des planches et puis des clous! Une cabane pour nous tous, ou qu'on dirait une merde à tout le monde! Hé, hey, Lebrac! Approche un peu si t'es pas là! Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Comment tu veux qu'il en trouve, moi, les 20 balles par semaine? Oh, dis, tu feras comme tout le monde, hein! Puisqu'on a dit qu'on est en République, on est tous égaux! Moi, je connais qu'un truc: égalité, fraternité! Tu connais pas de truc du tout! Parce que s'il y a la matière, on est tous privés, donc qui en ont pas! Ça, c'est vrai, moi, je pourrais pas payer non plus. Puis moi non plus. Alors, si c'est comme ça, y a plus moyen de faire l'égalité fraternité. Si on a qui paye d'autre part, c'est plus la République, c'est la royauté. Puis moi, les rois, je les guillotine. Nous aussi, on les guillotine, les rois, mais l'égalité, c'est facile à dire, mais... L'égalité, c'est quand personne paye d'abord! C'est pas vrai, c'est quand tout le monde paye pareil. Et les pauvres, alors? Tu fais honte aux pauvres, le Brat. C'est pas républicain, ça. Enfin, la crique, c'est quoi l'égalité? L'égalité, c'est quand tout le monde apparaît. Ah, tu vois? Alors nous, c'est pas l'égalité? Bah, puisqu'il y en a comprendront. Bon, on va voir ça. Ceux qui peuvent payer autour de moi, ceux qui peuvent pas autour de Tigibus. Allez, allez, allez. Et puis d'abord, sortez de là-dedans. Je veux pas que les pauvres s'entassent dans les chiottes puisqu'il n'y a pas de honte. Les pauvres, par là, et les riches, par là. Bon, là, ce que je propose, puisque c'est comme ça. Moi, je crois que les sous qu'on a dans notre poche, ça ne va pas compter. C'est pas des sous pour la bombe, ça. C'est des sous pour la vie ordinaire, quoi. Les sous, ceux qu'on planquera dans notre cabane. Quelle cabane? Toi, je t'expliquerai. Les sous à nous, notre trésor. Faudra que ce soit à tout le monde et qu'on les gagne nous-mêmes. Comme ça, ce sera-t-il l'égalité, la crique? Oui, comme ça, ce sera l'égalité. Eh ben, je le savais bien, les gars, qu'on y arriverait. Oui, mais comment qu'on fera pour gagner des sous nous-mêmes? Les cueillir des champignons. Eh ben voilà, il y a les cueillir des champignons. Puis les croissants, puis les grenouilles, puis des vipères. Il est pour moi 10 balles pièces à la mairie. Et puis Bernard, mais ça, ce sera un coup de peau. Comment il s'appelle, Bernard? Oh là, tu t'en coupes, on va tous savoir le prix des champignons, des renards, des doigts, enfin de tout, quoi. Et voilà. Et voilà. Et je me pour tout le monde, chacun son boulot. C'est ça, l'égalité. Et les voilà partis sur les routes de Longeverne, dans les forêts et les clairières, à la recherche des champignons, des vipères et des petits renards. La campagne est fructueuse. La vente des produits récoltés amène dans les cassettes des Longeverne des flots de boutons, de paquets d'aiguilles et de bobines de fil. La guerre des boutons est gagnée. Afin de mettre en sûreté ce trésor, le Brac et ses amis aménagent dans une clairière une baraque faite de branchages et de troncs d'arbres. C'est là que chacun apporte le fruit de sa collecte. Oh, dis donc ! Heureusement qu'on aura une grosse cabane ! Ils ont pas trouvé ça drôle? J'étais en plusieurs fois. Une fois chez Perrin, une fois chez Montabo, puis j'ai dit que c'était pour la mère sans pourtour. Oh, dis donc, c'est drôlement plein. Tu veux que je m'asseye dessus? Oh non, c'est pas la peine, tout est assez fatigué comme ça. Allez, au revoir et merci. Les quatre poteaux du coin, ils tiennent maintenant. Le mur, là, il est commencé. Il y aura la place pour mettre une table? Oui, oui, oui, des planches sur des pavetons, oui. Là, ce sera la cheminée, et là, la porte. Et puis les gars pourra penser à décorer pour se sentir un peu chez soi. Dans le grenier chez moi, il y a une vieille bonnette qui marche plus. Ben tu l'amèneras. Puis chez nous, il y a un cadre avec la photo de papa en marié. Il est avec ma mère. Puis chez nous, il y a une photo avec papa en troufion. Il est avec une poule. Mais c'était aussi maman, eh. Ouais, mon œil est maman. Tu sais quoi? Ouais, mon œil est. Je vous jure les gars que c'était ma mère. Ah, puis on s'en fout, quoi. Pour le trésor, on pourra trouver un endroit qui... C'est pas ma faute, j'avais la trouille. T'as fait faire trop mal à la communauté. Boulot gros coulant, emmenez-le. Ben nous, je vous ferai voir tout à l'heure. Oh, parce que ça, c'est pas juste, c'est pas juste. C'est pas ça l'égalité. À pas la République. Vive le roi. Vive le roi. Vive le roi. 50 boutons de chemise. Oh là là. 24 boutons de culotte. 18 boutons de tricot. 11 agrafes. 3 paires de bretelles. Courons tous avant nos poches, les gars, on comptera ça tout à l'heure. Je m'en fous, je vais dire bouton, bouton, bouton toute la journée. Puis s'il me demande pourquoi je dis ça, j'y dirai, moi. Tu l'as fait, bouton. Allons, silence. Bouton, bouton. Qu'est-ce qu'il y a, Bacaille? Rien, monsieur, je dis bouton. Qu'est-ce que tu dis? Bouton, monsieur, je dis bouton, puis voilà tout. Eh ben, faudra te faire soigner, mon petit père, hein? Allez! Non, prends l'air encore 5 minutes. Je crois que ça te fera du bien, hein? Vive le roi, merde alors! Vive le roi, merde! Voilà un traître en puissance, ce petit bacaillé de Longeverne qui, au milieu de la République, a crié « Vive le roi !» Pourquoi cette dissidence? Effrayé par les vipères dont on lui avait donné la garde, il les laisse partir, perte sèche pour le trésor de guerre. Alors on le met en quarantaine. Alors il se considère exclu de la communauté et ne veut plus se battre. Les copains lui paieront cette offense. Le lendemain, à la Sablière, nouveau combat, mais la bataille va être interrompue. Ça doit se remettre. Ça, c'est sûr. Faut lui mettre une attelle, quoi. Petit bout de bois autour de la patte. Avec mon lacet de godillot, c'est vrai? Non, avec le mien, toi, c'est du cuir. Va me tailler une branche. Du sureau? Non, du chêne, là-bas. Bon. Ce blessé pour qui l'on a fait trêve, c'est un petit lapin de Garenne. Sa patte réparée, le braque et l'astèque sont toujours face à face. Pendant quelques minutes, il n'y eut plus que deux copains soignant une bête blessée, mais... Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça dépend. Il sait quelle heure? 7h10. C'est fait tard. Alors, on remet ça demain? D'accord. Allez, reculez vous autres! Mais ne leur tournez pas le dos! Pourquoi qu'ils nous tourneraient pas le dos? On n'est pas des faux d'herches! Oh, ça va, on vous connaît les Valerans! Et pour les Valerans! En tout cas, on n'a pas demandé l'armistice! C'était pas l'armistice, c'était la preuve! C'était quand même un bon truc pour y couper à la renclée! Ouais. Demande-leur un peu, on a été gonflés aujourd'hui! Et pour les Valerans! Pas et du tout! Je vais pas vous dire, c'est que vous n'auriez jamais vu ça! Vous ne m'en croirez pas! Rentré chez lui, le braque a de nouveau démêlé avec son père. La menace de la pension se précise. Cependant, la cabane, la construction de laquelle chacun s'est employé, est enfin achevée. Aujourd'hui, on l'inaugure. À l'intérieur, on a tendu des guirlandes, apporté des bancs, dressé tant bien que mal une table. On va faire ripaille. Citoyens, vous pouvez crier aujourd'hui « Vive la cabane !» Parce que la cabane, c'est un parallélépipède rectangle de 6 mètres sur 3 de base. Ça fait 6 fois 3, 18 mètres carrés. Parce que, citoyens, la surface d'un rectangle, c'est le grand côté multiplié par le petit côté. Et comme volume, elle a 18 multiplié par 2 de haut, 36 mètres cubes. Parce que le volume d'un parallélépipède rectangle, c'est la surface de base multipliée par la hauteur, citoyens. C'est pas comme le volume d'une pyramide, où il faut diviser la hauteur par 2. Alors, citoyens, une supposition, que ce soit une pyramide, notre cabane, il faudrait multiplier 36 par 1 ou 18 par 2, citoyens. Ah bon, non, non, non, non, c'est la surface d'un trapèze. Oh, il sort mon discours à moi maintenant. Soudain, au milieu de la liesse générale, un bruit de tonnerre gronde se rapproche. C'est un gros tracteur agricole qui s'avance et écrase de ses lourdes chenilles la cabane si amoureusement construite et décorée par ceux de Longeverne qui n'ont que le temps de se sauver. C'est l'Aztec, le chef des Valerans, qui est au volant. Il a dérobé le tracteur de son père pour accomplir sa besogne de destruction. Il n'y a maintenant plus de trésors de guerre à Longeverne. La route des boutons est et restera coupée. Le braque a tout de suite compris que lui et les siens ont été trahis. Aucun doute, ce ne peut être que Bacaillé, le royaliste. Il est immédiatement traduit devant tous ceux de Longeverne assemblés. On l'attache à un arbre. J'ai rien fait, moi. Si vous me voulez, mais j'ai rien fait. Bon, puisque c'est comme ça, on va voir. Qu'a mieux les autres, attachez-lui les bras puis les pieds. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, attendez, vous autres. La crique, viens voir. Comment qu'on faisait au Moyen-Âge pour faire à vous les traîtres? On leur roustissait les doigts de pied. Bon, déchaussez-le. Non, mais laissez-moi, qu'est-ce que je vous ai fait? Non, mais laissez-moi. Non. Non. Comme ça, les bras. Taillez-lui les pieds. Si, c'est vrai, c'est moi, c'est moi. Détachez-le, on va le juger. J'ai avoué, vous pourrez rien faire, je suis franc. La cabane, on avait mis des semaines pour la faire. C'était notre courage, puis notre travail, puis même de notre instruction. Demande à la crique, la surface des rectangles, puis le volume, puis tout. On l'avait pas pris pour des prunes avec notre cabane. Et bah tout ça, c'est foutu par ta faute. Puis la moitié du trésor qui est perdu. Il nous a tous volés. Et un voleur, Bacaillé. T'as pas d'excuses. Puis surtout, tu nous as fait perdre une bataille. Ah, ce soir, je suis honteux. Sauvé parce qu'on était trahis. Et quand il y a un traître, eh ben, quand il y a un traître, on peut plus gagner de bataille. Alors, on va le tuer? Il mériterait. Alors, on va lui crever les yeux avec une aiguille et les coudes, les paupières avec du fil. Non, baissez-lui son froid. Non, non. C'est ce qui nous a fait du mal à tous. On va d'abord le fouetter. Chacun son coup. Après, on verra. Chacun se venge sur le petit Bacaillé qui, généreusement rossé et les fesses en sang, rentre chez lui en piteux état. Son père furieux mène grand tapage et tous les parents dans le village distribuent force taloche. L'un des enfants pourtant n'a pas reparu chez lui. C'est Lebrac, responsable de toute cette histoire et qui redoute la colère de son père. On organise des recherches, les parents de Longeverne parlent de partir en guerre contre ceux de Valerans et provocateurs. L'instituteur et les camarades de Lebrac battent la forêt. On retrouve enfin le fuyard. Les choses ne traînent pas. 8 jours plus tard, le voici pensionnaire au collège du chef-lieu d'arrondissement. Son instituteur l'accompagne. Le pauvre Lebrac n'est pas fier. Mais son père n'est pas le seul à prendre à l'égard de son fils des mesures aussi vexatoires. Ouais, il faut arrêter des affaires personnelles. Ah quoi, c'est pas la prison quand même. Si. Ça va être commode. Viendrai te revoir jeudi prochain. Fais pas de bêtises et ça durera pas longtemps. J'arrangerai ça. Ah, mon père, qu'est-ce que je dois dire à ton père? Qu'il aurait pu m'accompagner lui-même. Je connais celui-là. Il est dans le même dortoir? Et c'est aussi un nouveau. Eh ben, ne les laissez pas ensemble, hein. Il va y avoir de la casse. Oh, vous pouvez me croire, je les connais. Je suis même payé pour ça. Fort mal, d'ailleurs. pensé? La steak. Le braque. Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est mon père, et toi? Moi aussi. Oh bah merde! La steak! Le braque! Oh mon Dieu! Mon vieux la steak! Mon vieux le braque! Allez, va. Et dire que quand on sera grand, on sera aussi bête qu'eux. Roger et Jean et Jacqueline Adler viennent de vous présenter Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, La guerre des boutons, film d'Yves Robert d'après le roman de Louis Pergaud, avec 100 enfants d'Île-de-France et la participation de Jean Richard, Jacques Dufilho, Michel Galabru, Yvette Etiévant, Michel Méritz et Pierre Trabeau dans le rôle de l'instituteur. Dialogue de François Boyer, musique de José Bergmans.